Ça fait 1000 ans je rappe, j'ai une immense frappe qui s'encrasse. J'ai appris un étrange grade, je mange pas. Traîne à 11 packs dans le froid. Parmi c'est les rats, mais pas de lance-bas, j'avance grave. Jamais dans les bacs, je fais des cauchemars où les frères viennent canner dans mes bras. Dédicace à Sola quand c'est délicat. J'ai des bases efficaces, t'es jamais dit cap. Tu connais c'est qui, ça dérape en équipe. La réussite d'un champ magnétique à maléfice. Gensive, offensive, authentique. J'arrive tranquille la street avec un stylo pic. Sur le coin de rue, y'a le poteau si tu cherches un truc. Mais t'auras rien de plus, espèce de mince pute. J'veux du shit, une taille et un stud. Une petite que j'persécute dans un coin sûr. On s'en bat les couilles de ta vie. De ta ville, de ton avis. Toujours les mêmes têtes sous le parvis. La mort t'attrape sans préavis. On s'en bat les couilles de ta vie. De ta ville, de ton avis. Toujours les mêmes têtes sous le parvis. La mort t'attrape sans préavis. Le temps pas le visage marqué. On est tous embarqués. Vestilogé de pavé. Moi je les vois se pavaner. Me dis pas c'est pas vrai. On rêve tous du trône rey. Je m'introduis dans le domaine de ces bâtards qui dorment rey. J'ai vu grave le doré. Jour à 100 000 $. Toi tu me parles de poney. Pas les mêmes depuis le départ. Renfermé comme la Corée, tu sais pas ce que je te prépare. Obscur salope, je traque frère, je slalome. Je te raconte des salades, je te bip, puis salam. Me dis pas ça, je pense au passé, je suis abattu. Le sais-tu, pour cette substance de merde, ça se tue. Ça sent le cul, ça sent le cul, ça sent but. Tu sens le truc, c'est sanglant. Douloureux comme une pute qui mange sanglant. Plus le temps de se déposer sur un banc, plus l'âge de tirer sur un banc. Devant ta mère, sur un j'bande. Je suis tout seul, ils viennent en bande. Ils veulent me tirer vers le bas, je veux juste remonter la pente. On a envie de filer d'ici, mais dans la vie on est dissipé. On a ciblé l'avenir, mais on n'a rien anticipé. Triste idée, l'humain flaire l'argent comme un canidé. Matrixé, y'a monsieur l'agent qui joue au justicier. On est en France, on fume des barrettes et sans arrêt. Ils nous arrêtent, ils prennent la rue pour une arène. Tout ça pour nous mettre aux arrêts. Tous les jours c'est là même, ils font des rondes en balai. Ils cherchent des produits emballés, ils ont plus que ça dans la tête. Fils, on a la technique, on pousse des palettes. Mais on veut du bif, des palettes. Rêve la vie d'un baron délai. On vit cette vie sans délai, mais les vis aussi se démènent. On les gêne, on a les crocs en effet. On prend les thunes en espèces et on se vide la tête. On est tout en bas de l'échelle, mais on écrit les sons du siècle. 9-4 9-4 9-4 La mort t'attrape sans préavis. On s'en bat les couilles de ta vie. De ta ville, de ton avis. Toujours les mêmes têtes sous le parvis. La mort t'attrape sans préavis. Une arme dans les idées, des rimes en guise de munitions. J'vais kicker le mic sur du cidre et j't'inflige une punition. J'rappe sans effort comme Obélix, pas prendre boire la potion. Fumer du shit ou faire des pipis, est hors de question. Je reste moi-même quoi qu'il advienne, j'avance à l'unisson. Vision troublée par la télé, toute leur émission. Force à tous les malades qui visent la rémission. À ceux qui surmontent une séparation, un décès ou une trahison. La vie est faite ainsi, c'est pas facile. Oh mon dieu, beaucoup attendent que tu leur fasses un signe. Et fuck la signe, c'est compté, ils se croient au-dessus des lois. Tout permis comme si c'était des rois. On encaisse et on dit rien. On bosse comme des chiens, aux yeux de l'État on vaut rien. Les présidents sont pleins de magouilles. Question casse les couilles. Pour des histoires de billets.